بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence notre cours aujourd'hui dans le livre de Cheikh Abdullah al-Bukhari حفظه الله تأملات في مسألة الهجر في ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. C'est-à-dire des réflexions au sujet du hajr et à la lumière du Coran et de la Sunna et de la compréhension des pieux prédécesseurs de cette Ummah. Donc on est en train d'expliquer dans le livre qu'on lit maintenant, on est en train d'expliquer les maqasid qui sont reliés au hajr et à la question du hajr. Et on a expliqué qu'il y a plusieurs maqasid. Et le cheikh, il en a mentionné 5. Et ça ne veut pas dire que ça se limite à 5. Sauf que le cheikh, il a mentionné 5 parmi les plus importants. Et le premier parmi les maqasid, c'était al-maqsad al-awwal, tahqiq al-ubudiyyati lillah. C'est-à-dire de réaliser l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala par le fait de boycotter celui qui mérite d'être boycotté et qui nous est ordonné par Allah de boycotter. Le deuxième maqsad, c'est celui qu'on est en train d'expliquer maintenant, c'est tahqiq al-wala'i wal-bara', c'est-à-dire de réaliser le fait d'aimer et de détester pour Allah et de s'affilier et de se désavouer par rapport à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a commencé donc à lire l'explication de certains versets qui parlent de ce sujet-là, dont le verset 57 dans Sourate Al-Ma'idah, et également le verset qu'on avait lu dans le cours d'avant, également le verset dans c'était Sourate Hud, le verset 113. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. Et on continue donc avec des explications. Le cheikh, il explique que il a cité, et on s'était arrêté au dernier cours à ce point-là, lorsque il a cité la parole de l'imam As-Sabuni dans son livre Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith, qu'on est en train d'expliquer d'ailleurs le dimanche. Et il y a une partie dans la aqida de l'imam As-Sabuni où il explique la position à adopter vis-à-vis des innovateurs et des gens de bid'ah. Et il mentionne justement les comportements à adopter vis-à-vis d'eux. Et il dit que les gens de bid'ah, hein, il ne faut pas aimer les gens de bid'ah, il faut les détester en Allah à cause de ce qu'ils ont innové et inventé dans la religion d'Allah. Et qu'ils ont introduit dans la religion des choses qui ne font pas partie de l'islam, ils les ont incorporées à l'islam. Donc il dit on ne les aime pas et on les déteste en Allah. Et il dit que les salafs, ils ne les aimaient pas, ils ne les prenaient pas comme compagnons, ils n'écoutaient pas quand ils parlaient, ils ne s'assoyaient pas avec eux, ils ne débattaient pas avec eux dans la religion. Ils n'argumentaient pas avec eux dans la religion. Ils se préservaient vis-à-vis d'eux. Ils préservaient leurs oreilles d'entendre leur fausseté et leur cœur de leurs doutes et de leurs ambiguïtés. Et il a mentionné donc ces règles-là et ces principes-là au sujet des innovateurs. Il y a un bon livre également écrit par le cheikh Khalid al-Zufayri sur l'ijma' des ulama de la Ummah sur justement la question du hajr et de la mise en garde par rapport aux innovateurs. Et c'est un livre extrêmement bénéfique, et j'avais fait la traduction des citations des ulama qu'il a mentionné dans ce livre-là. Donc c'est un livre du début jusqu'à la fin. Il ne fait que mentionner les différentes paroles des imams, des salafs, sur ces questions-là. Donc c'est un livre vraiment intéressant, très bénéfique, Et donc, je conseille à tout le monde d'écouter ces cours-là en français s'ils ne connaissent pas l'arabe. Et s'ils connaissent l'arabe, de pouvoir acheter le livre et de le lire. Sinon, il est disponible en ligne en PDF. Donc, c'est un livre très, très bénéfique, écrit par le cheikh Khaled Al-Dhufairi. Le cheikh, il dit ensuite: ومن تطبيق ومن تطبيقهم العمل لهذا المقصد ما جاء في سير أعلام النبل سير أعلام النبل النبلاء في ترجمة ثور بن يزيد الحمصي أن أبا توبة الحلبي قال حدثنا أصحابنا أن ثورا لقي الأوزاعي فمد يده إليه فأبى الأوزاعي أن يمد يده إليه وقال يا ثور لو كانت الدنيا لكانت المقاربة ولكنه الدين. قلت والسبب في إعراض الإمام الأوزاعي عن ثور أن ثورا كان يرى القدر. Donc ici le cheikh il dit parmi les exemples de l'application pratique hein, de l'attitude des salafs vis-à-vis des innovateurs, il y a l'exemple qui est rapporté dans le livre de l'imam al-Dhahabi, Siyar A'lam al-Nubala. C'est une encyclopédie, ce livre. Il est composé d'une trentaine de volumes. Et il y a dans ce livre-là de l'imam al-Dhahabi, la biographie des grands imams de l'islam, depuis l'époque des Sahaba jusqu'à l'époque de l'imam al-Dhahabi. Je crois que c'était environ vers le 6e siècle ou le 7e siècle. En tout cas, il parle d'un grand, grand nombre de grands savants de l'islam. Et parmi les exemples qu'il a mentionnés, il dit que dans la biographie de Thawr ibn Yazid al-Himsi, il mentionne que Abba Tawba al-Halabi a dit, on nous a rapporté, hein, nos compagnons nous ont rapporté que Thawr a rencontré l'imam al-Awza'i. Et vous savez que l'imam al-Awza'i, c'était l'imam de la région du Sham. À l'époque de l'imam Malik, c'était lui le savant du Sham. Donc il était un savant parmi les imams de l'islam, du même calibre que le calibre de l'imam Malik à Médine et de l'imam Sufyan ibn Uyayna à la même période à Mecca et de l'imam Sufyan al-Thawri en Irak à la même époque que l'imam Malik et que ces quatre imams de l'époque c'étaient les imams du monde musulman, c'étaient les plus grandes références religieuse de l'époque, hein, ainsi que l'imam Al-Layth ibn Sa'd. Donc ces imams-là, c'étaient les imams de la dunya à cette époque-là. Quand les gens allaient pour chercher du ilm ou de la fatwa, ils commençaient par demander à ces grands imams. Et chacun, ils étaient dans une ville, parmi ces grandes villes de l'islam. Et l'imam donc Al-Awza'i faisait partie donc de ces grands imams. Et chacun de ces imams a un madhab. Hein, ça c'est beaucoup de musulmans, ils savent pas ça. Ils pensent que dans l'islam, il y a seulement quatre madhahib. Eh bien, à part l'imam Malik, son madhhab, il a été préservé parmi ses imams. Mais les madhhabs des autres, parmi ses imams, n'ont pas été préservés de la même manière. Mais ça ne veut pas dire que leur madhhab était moins important ou moins bénéfique ou moins supporté par les preuves. Et justement, l'imam al-Awza'i, il a son madhhab. Son madhhab, il est connu par les ulama dans les livres de fiqh. Ils font référence souvent à ses positions, mais il n'a pas été préservé, son madhhab, de la même manière que les quatre grands madhhabs qu'on connaît aujourd'hui. Si les madhhabs de tous les savants, des grands imams avaient été préservés, on aurait hein, une cinquantaine de madhhabs différents. Donc, de toute façon, et Annie, ce n'est pas grave que ces madhhabs-là n'aient pas été préservés. De toute façon, l'important, c'est qu'on a le Coran et qu'on a la Sunna et qu'on a les principes et les fondements et les règles de la charia sur lesquels ces imams-là se sont basés. Et il nous reste également des fatwas et des explications des ulama de ces quatre grands imams des madhahib aussi, qui sont des exemples pour nous. Et donc ici, on voit cet exemple de l'imam al-Auza'i. Il dit que lorsque Thawr est venu rencontrer al-Auza'i, Thawr a étendu sa main pour saluer l'imam al-Auza'i, et l'imam al-Auza'i a refusé de lui tendre sa main. Alors, qu'est-ce qu'il a fait l'imam al-Auza'i? Il a dit, Thawr, il dit, oh Thawr, sache que si c'était juste pour la dunya, on aurait pu être proche, hein? On aurait pu se rapprocher. Mais c'est une question de religion, en voulant dire, puisque c'est un problème religieux qu'on a, qu'il y a entre toi et moi, il y a un problème par rapport à la religion, je ne peux pas, hein, te serrer la main. Si c'était des problèmes ou des choses qui ont rapport avec la dunya, on aurait pu passer par-dessus. Mais là, c'est un problème par rapport à la religion. Et l'imam al-Zahabi, il a clarifié que la raison pour laquelle, ou bien peut-être c'est le cheikh Abdullah al-Bukhari qui clarifie ça, il dit la cause pour laquelle l'imam al-Auza'i s'est détourné de Thawr, c'est parce que Thawr avait la position de ceux qui nient le qadar. Hein, de ceux qui nient le qadar. Donc, l'imam al-Auza'i, il ne voulait pas lui serrer la main parce qu'il le considère comme ayant une innovation. Et par conséquent, hein, s'il lui serre la main, c'est presque comme si il montre aux gens qu'il est d'accord avec lui, qu'il lui donne son approbation. Hein? Donc les gens vont dire, ah, puisqu'il lui a serré la main, ça veut dire qu'il est satisfait de lui. Et il va utiliser ça pour propager sa bid'a à propos du qadar. Donc les imams, c'est comme ça qu'ils agissaient avec les innovateurs. Un autre exemple qui est mentionné, il dit, وَأَيْضًا مَا جَاءَ فِي السِّيَرِ في الترجمة يعني أيضا في ترجمة أحمد بن عطاء الهجيمي البصري قال عبد الرحمن ابن عمر سرته رآني ابن مهدي يوم جمعة جالسا إلى جنب أحمد بن عطاء وكان يتكلم في القدر وكان أزهد من وكان أزهد من رأيت فاعتذرت إلى عبد الرحمن فقال لا تجالسه فإن أهون ما ينزل بك أن تسمع منه شيئا يجب لله عليك أن تقول له كذبت ولعلك لا تفعل. Donc ici, il mentionne un autre exemple qui est mentionné dans Sir Alam al-Nubala, encore une fois, dans la biographie de Ahmad ibn Atta al-Hujaymi al-Basri. Il dit que Abdurrahman ibn Omar Rusta a dit Ibn Mahdi, et probablement que c'est Abdurrahman ibn Mahdi peut-être ici. Je pense parce que c'est un des imams. Il dit, le jour de Jumu'ah, j'étais assis à côté de... Donc, il dit, Ibn Mahdi m'a vu assis le jour de Jumu'ah à côté de Ahmad ibn Atta. Et Ahmad ibn Atta, il parlait au sujet du qadar, en voulant dire il avait des problèmes dans le qadar. Et il avait des bid'ah au sujet du qadar. Mais il dit, et en même temps, c'était une personne qui était zahid, en voulant dire, c'est une personne qui n'est pas attachée à la dunya, hein, une personne pieuse, religieuse. Donc il dit, c'était une des personnes les plus détachées de la dunya que j'ai jamais vue. Et il dit, yani, je me suis excusé pour aller parler avec Abdurrahman, la personne qui était assise avec la personne en question, Ahmed ibn Atta. Il dit, je suis allé lui parler et je lui ai dit, ne t'assois pas avec lui. Parce que la moindre des choses qui pourrait t'arriver, si tu t'assois avec lui, c'est que tu entendes quelque chose de lui, hein, au sujet du qadar, et que ce serait donc une obligation pour toi de lui dire tu as menti, et peut-être que tu vas pas être capable de le faire. C'est-à-dire, tu vas pas être capable de lui dire. Donc, ne t'assois pas avec lui. Donc, ça, c'est un autre exemple ici. Et il y en a des exemples comme ça, il y en a des centaines et des centaines. Hein? Il dit, وَمِنْ تَقْرِيرَاتِهِمُ الْعِلْمِيَّةِ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ الْهُمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي رِسَالَتِهِ النَّافِعَةِ بَدَائِعُ الْفَوَائِدِ لَمَّا تَكَلَّمَ عَنْ فُضُولِ الْمُخَالَطَةِ وَخَطَرِهَا وَأَقْسَامِ النَّاسِ فِيهَا القسم الرابع من مخالطته الهلك كله ومخالطته بمنزلة أكل السم فإن اتفق لآكله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاء وما أكثر هذا الضرب في الناس لا كثرهم الله وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعون إلى خلافها الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة والمعروف منكرا والمنكر معروفا إن جردت التوحيد بينهم قالوا تنقصت جانب الأولياء والصالحين وإن جردت المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أهدرت الأئمة المتبوعين وإن وصفت الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير غلو ولا تقصير قالوا أنت من المشبهين وإن أمرت بما أمر به رسول بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من المعروف ونهيت عما نهى الله عنه ورسوله من المنكر قالوا أنت من المفتنين وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا أنت من أهل البدع المضلين وإن انقطعت إلى الله تعالى وخليت بينهم وبين جيفة الدنيا قالوا أنت من الملبسين وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت عند الله من الخاسرين وعندهم من المنافقين فالحزم كل الحزم الالتماس مرضات الله تعالى ورسوله بإغضابهم وأن لا تشتغل بإعتابهم ولا باستعتابهم ولا تبالي بذمهم ولا بغضهم فإنه عين مالك كما قال المتنبي وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل وقال آخر قد زادني حبا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائلي ما شاء الله تبارك الله ما أجمل هذا الكلام. Donc ici, le cheikh il a cité une parole de l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre Bada'i' al-Fawa'id. MashaAllah, c'est une des plus belles paroles que j'ai lues sur ce sujet-là, MashaAllah. Hein? Qu'est-ce qu'il dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya? Écoutez bien cette parole-là parce que vraiment, MashaAllah, ça vaut la peine. Donc il dit, Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafizahullah, il dit parmi les déclarations scientifiques, les paroles scientifiques de l'imam, le grand savant, l'imam Ibn al-Qayyim, dans son livre bénéfique, Bada'i'u al-Fawa'id, lorsqu'il a parlé de la fréquentation excessive des gens et du danger de fréquenter certaines personnes, il a divisé les gens en catégories. Puis il a parlé de la quatrième catégorie de personnes et il a dit que de les fréquenter, c'est une perdition totale. Et de se mélanger avec ces gens-là, c'est au même degré ou c'est considéré dans le même degré que de manger du poison. Donc ça veut dire ça, c'est une catégorie de personnes, ces gens-là, c'est du poison. Et il dit que si la personne qui a mangé ce poison, elle réussit à trouver quelqu'un qui est capable de lui en de lui guérir de ce poison-là, comme par exemple, si quelqu'un il a été empoisonné par la fréquentation d'un innovateur et d'un égaré qui lui a mis du poison dans son cœur avec ses croyances et ses idées d'égarement, comme ceux aujourd'hui qui tombent avec des khawarij, ou des individus parmi les mubtadi'a, parmi les soufia, ou bien parmi les jamaat tablir, ou bien parmi les ikhwan, tu tombes sur des gens comme ça des fois, malheureusement, dans ta vie. Sur ton chemin, tu rencontres toutes sortes de monde, toutes sortes de personnes. Et parfois, yani, subhanallah, tu tombes sur des gens qui peuvent t'amener vers le bien et qui te préservent du mal. Et parfois, tu tombes sur des innovateurs, des gens de bid'a, des gens qui t'influencent dans le mal. Et des fois, tu les rencontres en personne, des fois, tu les rencontres pas en personne, des fois, tu les rencontres virtuellement. Par exemple, tu tombes sur des prêcheurs ou des personnes qui appellent à la bid'a ou qui appellent au takfir ou qui appellent au soufisme ou qui appellent à toutes sortes d'idées de kofr ou autres ou de bid'a. Donc, si tu tombes sur ces gens-là et que ces gens-là te mettent du poison dans ta croyance, du poison dans ton cœur, dans ta compréhension, eh bien, tu vas périr, tu vas mourir. C'est comme si quelqu'un il a été mordu par un cobra ou bien par un scorpion ou une araignée venimeuse. Si tu n'as pas l'antidote, tu meurs. Mais parmi les savants, parmi les tollab al-ilm, il y en a qui ont l'antidote. C'est-à-dire, ils ont la science bénéfique et la connaissance. Ils sont capables de réfuter ces choubouhat et de guérir ton cœur de ce poison-là. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité ou l'occasion de rencontrer ces savants-là ou ces gens-là qui vont être capables de te guérir de ça. Donc, c'est pour ça que c'est pour cette raison-là que les salafs, ils mettent en garde contre les innovateurs de façon aussi sévère. Pourquoi? Parce que quelqu'un va dire, ah, si j'entends une chouba ou si je tombe dans une chouba, c'est pas grave, je vais chercher la réfutation, je vais chercher la preuve. Qui t'a dit que tu vas la trouver? Et qui t'a dit que tu vas tomber sur le savant qui est spécialiste dans ce domaine-là? Et ça c'est grave aussi parce qu'il y a des musulmans, surtout les jeunes aujourd'hui, ils cherchent à tout prix d'avoir une connexion ou une relation avec les chouyoukh. Et des fois, ils ont de la difficulté à avoir des relations ou des connexions avec des grands parmi les chouyoukh ou des savants qui sont spécialistes dans certains domaines. Alors, s'ils ont l'occasion de tomber sur un talib ilm ou sur quelqu'un qui a une certaine science, eh bien, des fois, qu'est-ce qu'ils font malheureusement? Ils vont élever ce talib ilm ou élever cette personne à un niveau plus élevé que son niveau réel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de trouver quelqu'un plus savant que lui, alors il lui donne plus d'importance que qu'est-ce qui lui revient réellement. Et ils vont lui poser des questions sur des choses qui ne sont pas son domaine, qui ne sont pas sa spécialité. Comme si ce cheikh ou ce talib ilm, ils veulent en faire un imam. ou ils veulent l'élever à un niveau plus haut pour s'élever eux-mêmes ou pour avoir cette opportunité-là parce qu'ils voient, ah, c'est comme une opportunité que j'ai. Et c'est pour ça des fois que on trouve certains parmi les jeunes, que ce soit en France ou ailleurs, quand ils ont des questions, ils posent toutes leurs questions sur n'importe quelle question, sur n'importe quel sujet, ils la posent à ce talib ilm ou à ce cheikh. Et quand ils ont une réponse de lui, ils la diffusent et ils la traduisent à tout le monde, comme si c'était une parole du mufti ou d'un grand parmi les savants de la Ummah. Alors, quand ils font ça en réalité, ils se font du tort à eux-mêmes, ils font du tort à ce talib ilm aussi. Parce que ce talib ilm, il n'est pas arrivé à ce degré-là ou à ce niveau-là pour qu'on puisse justement se référer à lui dans tous les domaines et sur toutes les questions de cette manière-là. Hein? Mais ça, c'est juste une note en parenthèse pour faire comprendre à certains que entre les savants, il y a des degrés, il y a des, et il y a des savants qui sont spécialisés dans certaines questions et d'autres qui sont spécialisés dans d'autres. Et c'est pas à tout à tous les machaires que tu ou à tous les toulab el-ilm que tu peux poser des questions sur n'importe quel domaine. Et il y en a certains à qui tu vas poser des questions sur certains sujets qu'ils ne maîtrisent pas profondément ou assez correctement, et ça devient une fitna pour eux et une fitna pour les gens par la suite. Donc c'est pour cette raison-là qu'il faut faire attention à ces choses-là. Mais il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas ça. À la kulli hal, si tu réussis à trouver un savant qui va te guérir de la, du poison des gens de Bid'a, ça c'est un bien. Mais c'est mieux de les éviter totalement pour ne justement ne pas être affecté par leur poison en partant et au départ. Comme ça, t'es en paix. Et le cheikh, il dit, وَمَا أَكْثَرَ هَذَا الدَّرْبِ فِي النَّاسِ. Hein, wahum ahlul bid'a wal dalala. Donc l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, si tu n'as pas, si cette personne que tu as fréquentée et qui est comparable à un poison que tu as mangé, il dit, si tu arrives à trouver quelqu'un qui va te guérir parmi les savants de ce poison-là, sinon tu peux yani donner tes condoléances à cette personne-là, déjà en partant. C'est-à-dire, il va mourir, c'est certain, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut le sauver par la permission d'Allah. Et il dit, et comme cette catégorie sont nombreux, que Allah ne fasse pas augmenter leur nombre. Et ce sont les gens de la bid'a et de l'égarement qui obstruent les gens et qui bloquent les gens de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui appelle et qui invite à contredire la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont ceux qui obstruent le sentier d'Allah et qui veulent le rendre tortueux et difficile pour les gens. Et donc, ils font de la sunna une bid'a et de la bid'a une sunna. Ils font du bien un mal et du mal un bien. Et là, il donne des exemples. Écoutez bien ces exemples-là, parce que c'est des choses qu'on voit actuellement. Alors que l'imam Ibn al-Qayyim, il a vécu plus que 600 ans en arrière par rapport à nous, environ. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il est en train de décrire là? C'est des choses qu'on voit aujourd'hui. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, si tu parles du tawhid et tu clarifies le tawhid, ils vont te dire, tu dénigres les awliya et les salihin, les pieux et les hommes pieux et les awliya. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils disent aux gens qui appellent au tawhid. Hein? Ils disent, ah, vous, vous dénigrez les awliya, vous ne les respectez pas parce que vous parlez du tawhid. Hein? Vous dites qu'il ne faut pas les adorer, il ne faut pas les vénérer, il faut pas les... Hein? Donc, vous ne les respectez pas. Si tu ne les adores pas, tu ne fais pas de shirk avec eux, hein? En les adorant avec Allah, tu ne les respectes pas pour eux. Donc, parle pas du tawhid. Un autre exemple qu'il donne, il dit, si tu appelles à suivre uniquement le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et à suivre uniquement sa sunna, ils disent, Ah, tu as dénigré les imams des madhahib. Hein? Tu es contre les imams du madhab. Tu ne veux pas qu'on suive le madhab. Tu dénigres le madhab. Hein? Allah al-Musta'an. On voit ça aujourd'hui, déjà comme ça, qui critiquent. Hein? Allah al-Musta'an. Ils prennent les paroles des savants comme si c'était un verset de Coran ou comme si c'était un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, tu le vois. Il y en a un, quelques jours en arrière, il y a quelques jours, il m'a cité, hein, il m'a dit que, il me disait, c'est quelqu'un qui prétend être sur le madhhab al-Hanbali, hein, il dit qu'il est sur le madhhab al-Hanbali, et il dit, vous dites, hein, que, par exemple, la bid'a, c'est mauvais, alors qu'il y a des savants qui disent qu'il y a cinq catégories de bid'a, et que donc c'est pas tout mauvais, il y a des bonnes, hein, il y a des bid'a qui sont bonnes, et ils citent des noms de savants pour essayer de se justifier. Comme si la parole d'un savant avait précédence sur le Coran et sur la Sunna et sur l'ijma' des salafs. Comment tu peux me ramener la parole? Même si c'était un grand savant, même si ce savant-là, on le respecte, même si ce savant-là, ses livres sont des références pour la Ummah, s'il se trompe dans un sujet, s'il dit quelque chose qui est contraire à la vérité, est-ce qu'on doit le suivre juste parce que c'est lui? Juste parce qu'on le respecte, ça veut dire qu'on doit prendre tout ce qu'il dit sans remettre en question quoi que ce soit de ce qu'il dit? Ça veut dire quoi ça? Quoi, est-ce qu'il est un messager d'Allah? Est-ce qu'il est ma'soum? Est-ce qu'il est infaillible? Il se trompe jamais? Il se trompe pas? C'est-à-dire que si quelque chose dans le Coran et dans la Sunna contredit sa parole, on rejette le Coran et la Sunna, on prend sa parole seulement? C'est ça qu'on doit faire? Celui qui pense de cette façon-là, hein, si tu prends pas sa position, il dit, ah, t'as pas de respect pour les imams. T'as pas de respect pour les madahib. Au contraire, les quatre imams des madhahib et tous les imams de l'islam, ils ont toujours supporté la position que si leur opinion contredisait le Coran et la Sunna, de rejeter leur opinion et de suivre le Coran et la Sunna. Alors, ça, c'est la position des salafs sans exception. Ils ont tous eu cette position-là. Donc, comment toi tu viens? Tu utilises la parole de quelqu'un, un savant qui s'est trompé. Tu utilises son erreur comme un argument pour justifier ta position qui est incorrecte, pour essayer de la supporter et imposer cette opinion-là. Et comme argument, tu dis, un tel l'a dit. Alors que lui, il s'est trompé sur ce domaine-là. Toi, tu viens, puis tu argumentes avec moi. Hein? Donc, c'est juste un exemple ici. Ces gens-là, ils existent aujourd'hui encore. Hein? Un autre exemple que le cheikh il a donné, il a dit, si tu décris Allah, hein, tel que Allah s'est décrit lui-même, avec les attributs qu'il s'est mentionnés à lui-même, et avec les attributs que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a mentionnés, hein, dans la sunna, sans tomber dans l'extrême, sans tomber dans le laxisme, ou le manquement, eux ils disent, tu fais partie des anthropomorphistes. Ils vont dire, tu fais partie des mushabbihin, ceux qui font ressembler Allah à sa créature. Pourquoi? Parce que tu dis ce que Allah a dit, parce que tu dis ce que le messager d'Allah a dit, pour eux, t'es un mushabbih. Hein? Ils appellent ça les ahbash, et les asha'ira, hein? Et les mutakallimin, ils disent, vous êtes des mushabbiha. Et les ahbash, ils le traduisent en français en disant, vous êtes des anthropomorphistes. Subhanallah. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'ils accusent le messager d'Allah d'être un anthropomorphiste. Ils accusent même Allah, hein, de faire le tashbih. A'udhu billah. Parce que c'est Allah qui dit qu'il a une main. C'est Allah qui a dit qu'il a des yeux. C'est Allah qui dit qu'il est sur le trône, qu'il est au-dessus de son trône. C'est Allah qui dit qu'il a un visage. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit qu'il aime. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit qu'il déteste. Hein, les mécréants, et qu'il aime les croyants, et qu'il aime le bien, et qu'il déteste le mal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit qu'il a la miséricorde, hein, qu'il est miséricordieux. Toutes ces attributs-là, qui est-ce qui les a, hein, mentionnés? C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Ce n'est pas les êtres humains qui ont inventé ces attributs-là à Allah. La même chose également pour les attributs et les choses que le messager d'Allah a mentionnées à propos d'Allah. Le messager d'Allah, quand il parlait, disait « Par celui qui tient mon âme en sa main », c'est qui? Est-ce qu'il parle de Djibril? Est-ce qu'il parle d'un autre prophète qui tient son âme en sa main? Est-ce qu'il parle d'un être humain ou d'un ange quand il dit ça? Non, il parle d'Allah. Il dit « Par celui qui tient mon âme en sa main ». Wallahi nafsi biyadi. Est-ce que le messager d'Allah a dit non, il faut pas croire que Allah il a une main, mais je vous dis ça juste allégoriquement ou symboliquement. Hein? C'est une parabole ou c'est une allégorie ou c'est majaz. Hein? Non, jamais il a jamais dit ça. Hein? Donc tout ça c'est des exemples. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le Coran qu'il parle, qu'il dit. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'il parle et qu'au jour dernier, il va parler à chacun. Il va s'adresser à tout le monde. Hein? Il mentionne que également le Coran, c'est sa parole dans le Coran. Et exemple aussi, il mentionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'au jour de la résurrection, on va tous voir Allah. De la même manière qu'on arrive à voir la lune dans le ciel lorsqu'elle est pleine et qu'il n'y a pas de nuages. Hein, il n'y aura aucune difficulté pour les gens, ils n'auront pas à se bousculer les uns les autres pour pouvoir le regarder. Donc tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit. Après, vous nous dites, on est des mushabbiha. Surtout qu'après qu'on ait compris le verset qui dit, « Laysa ka mithlihi shay'un, wa huwa as-sami'ul basir », il n'y a rien qui lui ressemble. Donc ses yeux, sa main, son visage, hein, son élévation sur le trône, sa descente au dernier des cieux, au dernier tiers de la nuit, le fait qu'il a la miséricorde et l'amour, et ainsi de suite, tout ça, c'est des attributs qui lui conviennent, qui conviennent à sa perfection, qui conviennent à sa grandeur, qui conviennent à sa majesté. Hein? Et il n'y a aucune ressemblance dans ces attributs-là, et dans aucun de ces attributs, entre la créature et le créateur. Allah est unique. Donc, il n'y a pas de tashbih. Un autre exemple que l'imam Ibn al-Qayyim a mentionné, il dit, et si tu leur ordonnes ce que Allah et son messager ont ordonné du bien, et que tu leur interdis ce que Allah et son messager ont interdit, hein, il dit, anta min al-mufattinin, t'es parmi les gens qui font la fitna, tu te mêles des affaires des gens, hein, ou bien tu veux faire des troubles. Subhanallah, on trouve des gens qui disent ça aujourd'hui. Il dit wa in ittaba'ta as-sunnah wa tarakta ma khalafaha qalu anta min ahli al-bid'a al-mudhillin. Si tu appelles à suivre la sunna et que tu délaisses ce qui contredit la sunna, c'est-à-dire les innovations, eux ils disent tu es un innovateur parmi les égarés. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Tous les gens qui font des bid'a aujourd'hui, quand tu leur interdis la bid'a et que tu leur ordonnes la sunna, ils te traitent d'innovateur. Si tu ne veux pas faire le maulid, si tu ne veux pas appeler le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au secours quand tu as un malheur ou un wali parmi les awliya, il dit toi t'es un mubtadi', hein? T'es un wahhabi. T'es un wahhabi, subhanallah. Donc ils te traitent d'innovateur. Parce que tu appelles à suivre la sunna et que tu condamnes la bid'a, ils te traitent d'innovateur. Parce que pour eux, la bid'a, c'est la sunna. Hein? Et la sunna, c'est la bid'a. Donc, si tu n'es pas avec eux, tu es sur la bid'a. Allahu musta'an. Et il dit, et si tu te concentres sur l'adoration d'Allah et tu délaisses la dunya et tu la détaches de ton cœur, hein? Il dit anta min al-mulabbisin, t'es parmi les gens douteux, hein? les imposteurs, t'es pas sincère. Il dit wa in tarakta ma anta alayhi wattaba'ta ahwa'ahum anta 'inda Allahi min al-khasirin. Il dit si tu laisses, hein, ce que tu suis de la vérité et que tu commences à suivre leurs passions, auprès d'Allah, tu seras parmi les perdants. Mais pour eux, ils vont te considérer comme un hypocrite. Il dit, ah, il n'est pas sincère, ce gars-là. Hein? Même s'il dit qu'il est avec nous, là, on ne le croit pas. Yani, subhanallah. Après, il dit, فالحزم كل الحزم. L'iltimas. L'iltimas ou mardat illah. Il dit, donc, tu dois être déterminé de façon complète et totale à chercher uniquement l'agrément d'Allah. Et yani, yani, de chercher à suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en les, pour yani, de les. Yani, c'est-à-dire tu dois chercher à que Allah soit satisfait de toi, pas yani, de chercher à leur faire plaisir à eux, même si ça les met en colère. Et il dit tu dois pas non plus te préoccuper de leur blâme ou de leur critique ou de leur colère envers toi ou du fait qu'ils te détestent. Et il dit c'est comme ça, c'est en réalité c'est ton bien à toi. Yani, leur critique et leur haine envers toi, c'est un bien pour toi. Il dit, regarde qu'est-ce que Al-Mutanabbi a dit dans un poème. Il dit, wa idha atatka madhammati min naqisin fa hiya ash-shahadatu bi anni kamilu. Il dit, si une personne déficiente te dit un mal à mon sujet, ça c'est un témoignage en réalité que moi je suis complet. Hein? Parce que lui, il est déficient, donc s'il me critique, en réalité, c'est un témoignage de bien pour moi. Hein? C'est comme aujourd'hui, Yanni, quand un laïc te critique d'être, ils disent, ah, toi, t'es un salafiste, t'es un musulman. Hein? En réalité, c'est un témoignage positif pour toi, parce que ça prouve que t'es sur l'islam, que t'es musulman, tu t'accroches à ta religion. Si un soufi te critique, hein? Il dit, ah, toi là, tu critiques les awliyas, tu condamnes les bid'as, donc t'es pas correct. Ça, c'est un bien pour toi s'il dit ça. Ça prouve que toi, tu es sur la vérité. Hein? Si par exemple, un chrétien, il dit, ah, toi, hein, vous croyez pas en Jésus, vous croyez pas en ci et ça, vous adorez pas Jésus avec nous, vous croyez pas qu'il est fils de Dieu. Hein? Ça c'est un témoignage en bien pour toi du fait qu'il témoigne que tu es sur la vraie croyance par rapport à Jésus. Si les khawar ils disent ah, vous êtes pas vous écoutez les dirigeants, vous les faites pas, vous les déclarez pas koufar et vous êtes obéissant aux dirigeants dans tout ce qu'ils disent, hein? On dit non, nous on obéit aux dirigeants dans le bien. S'ils ordonnent un péché, on n'obéit pas dans le péché. Mais en même temps, on continue à écouter et obéir dans le bien. C'est vrai, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné ça. Pour eux, c'est un blâme. Pour nous, c'est un bien. Parce que ça veut dire c'est un témoignage qu'on est en train de s'accrocher à la sunna. Hein? Tout ce qu'un mubtadi peut dire comme toi, comme critique, c'est comme des fois, il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent... qui m'ont dit par exemple, ou qui ont dit à propos de d'autres frères, ah, un tel, il a dit à propos d'un tel, hein, lui, il n'est pas bon. Je dis, mais c'est normal qu'il dise ça. Regarde sur quoi il est. Regarde c'est quoi sa position. Hein? Si un égaré te critique, c'est un témoignage en ta faveur, en réalité. C'est ça que ça veut dire. Et l'autre poème qu'il a mentionné, ou l'autre vers de poésie qu'il a mentionné, il dit... وقد زادني حبي لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائلي. C'est-à-dire le fait que je suis détesté par des gens qui sont pas droits, ça m'a augmenté d'amour pour moi-même. C'est-à-dire je m'aime plus quand je vois que des gens d'égarement me détestent. C'est ça la réalité. Il faut pas s'étonner de ça. Hein? Faut pas s'étonner de ça. Si des koufars te détestent parce que tu es musulman, faut pas s'étonner de ça. Si des gens de bid'a te détestent parce que tu es sur la sunna, il faut pas s'étonner de ça. Hein? Si des gens de bid'a ils te détestent parce que tu t'accroches au Coran et à la sunna et que tu respectes les ulama et que tu les suis, Il ne faut pas s'étonner de ça quand il te critique. Tu vas voir que, alhamdoulilah, en restant ferme sur la vérité devient claire. Ensuite, le cheikh il dit, « Wa qala l'imam ibn Rajab, fi jami' fi jami' al-ulum, jami' al-ulum wal-hikam. » في جامع العلوم والحكم الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم الإنسان لا يكون مؤمنا كاملا لإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم وقال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما وجب عليه منه فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا وأن يكره ما كرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى حتى يقدم محبة الرسول على محبة جميع الخلق ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات قال عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال الحسن قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نحب ربنا حبا شديدا فأحب الله أن يجعل لحبه علما فأنزل الله هذه الآية وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله ويكره ما يكرهه الله ورسوله ويرضى ما يرضى الله ورسوله ويسخط ما يسخط الله ورسوله وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك فإن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله أو ترك بعد ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه دل ذلك على نقص محبته الواجبة فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة قال أبو يعقوب النهر جوري كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة وكل محب ليس يخاف الله فهو مغرور وقال يحيى ابن معاذ ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده فجميع المعاصي إنما تنشأ من تقديم هوى النفس أو هوى النفوس على محبة الله ورسوله وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله أي نعم. Donc ça c'est un long passage que je viens de lire mais on dirait que c'est un passage qui coule comme de l'eau. Tellement je sais pas comment expliquer, mais c'était tellement doux, tellement bien dit. On dirait que c'était comme une source. Ala kulli hal, l'imam ibn Rajab il dit dans Jami' al-Ulum al-Hikam. Qu'est-ce que c'est Jami' al-Ulum al-Hikam? C'est un livre merveilleux. Wallahi, c'est un des meilleurs livres que quelqu'un peut posséder et que quelqu'un peut lire. Et je conseille à tous les toulab ilm et toute personne qui aime la science, je leur conseille ce livre de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali. C'est un livre en réalité qui est l'explication de Al-Arba'oun al-Nawawiyya. C'est les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi expliqués. Mais l'imam Ibn Rajab, il a rajouté 8 hadiths aux hadiths de l'imam al-Nawawi pour rajouter encore plus de choses bénéfiques, des hadiths très importants. Il en a rajouté 8 à la fin. Et donc, franchement, c'est un des meilleurs livres que quelqu'un peut lire. Et il ramène des explications des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des paroles des ulama et des explications tellement intéressantes et bénéfiques. Franchement, c'est un livre merveilleux. Et donc ici, juste pour vous donner un exemple, le cheikh il cite cette parole et c'est un passage qui est assez long. Subhanallah, j'ai vu où ça commence, mais j'ai pas vu jusqu'où ça termine. Donc on n'a même pas fini de lire la citation au complet. Il reste encore peut-être quelques paragraphes. Mais je vais vous lire qu'est-ce que j'ai lu jusqu'à date en français. Le cheikh il dit, l'être humain, il ne va pas être croyant d'une foi complète, de la foi qui est obligatoirement complète, jusqu'à ce que son amour suive ce qui est ramené par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que son amour est en accord avec ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a amené par rapport aux ordres, par rapport aux interdictions, c'est-à-dire les obligations et les interdictions, et autres également, les autres aspects de la religion aussi. Donc c'est obligatoire pour le croyant d'aimer ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné et de détester ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Et cela a été mentionné dans le Coran, dans plusieurs versets, par rapport à ce sujet-là. Et il donne des exemples. Il dit par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a blâmé ceux qui détestent ce que Allah aime, ou qui aiment ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Et il cite le verset 9 dans sourate Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et ceci parce qu'ils ont détesté ce que Allah a révélé. Alors Allah a rendu leurs œuvres vaines. Et il mentionne le verset 27 dans Sourate Muhammad également, sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ceci parce qu'ils ont suivi ce qui met Allah en colère et qu'ils ont détesté son agrément. Alors Allah a rendu leurs œuvres vaines. Et il dit le cheikh que l'obligation pour tout croyant, c'est d'aimer ce que Allah aime, d'un amour qui le pousse à faire ce qui lui est ordonné de faire. Et il dit, si cet amour-là augmente encore plus, eh bien, cet amour va même le pousser par la suite à faire ce qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire ce qui est même recommandé. Hein? Comme le hadith du Wali qu'on a lu hier, le hadith Qudsi. C'est-à-dire lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith, et mon serviteur ne va pas se rapprocher de moi par quelque chose que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Puis il va continuer à se rapprocher de moi par des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Hein? C'est exactement ce que l'imam Ibn Rajab est en train d'expliquer ici. Et il dit de la même chose aussi du fait que le croyant, il est obligatoire pour lui de détester ce que Allah déteste d'une façon qui va le pousser à s'abstenir de ce que Allah a interdit. Et il dit, et si cette haine et ce dédain pour ce que Allah a interdit augmente, ça va même l'amener à s'abstenir de ce que Allah déteste d'une façon, non pas de ce qui est interdit, mais de ce qui est déconseillé même. Parce que vous savez qu'il y a qu'est-ce qui est wajib et qu'est-ce qui est mustahab, c'est-à-dire qu'est-ce qui est obligatoire et ce qui est recommandé. Et il y a qu'est-ce qui est haram et qu'est-ce qui est makro. Donc qu'est-ce que l'imam Ibn Rajab est en train d'expliquer ici? C'est que si tu aimes Allah, tu vas faire ce qu'il t'ordonne. Et si tu aimes ce que Allah aime, donc tu vas faire ce qu'il t'ordonne. Si tu détestes ce que Allah déteste, tu vas t'abstenir de ce qu'il t'a interdit. Mais si ton amour augmente, tu vas même faire ce qui n'est pas obligatoire. Tu vas faire ce qui est recommandé en plus. Et si tu détestes encore plus ce que Allah déteste et que ta haine pour ces choses-là augmente, tu vas même t'abstenir de ce qui est déconseillé, pas seulement de ce qui est interdit. Et ça, c'est une grâce. Hein? Ensuite, le cheikh, il dit, et il a été rapporté dans As-Sahihayn, Al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Nul d'entre vous ne sera croyant jusqu'à ce que je sois plus aimé de lui que son père, que son enfant et que tous les êtres humains, hein, tous les hommes. » Et donc, quelqu'un ne peut être croyant jusqu'à ce que son amour du messager d'Allah ait précédence sur l'amour de toutes les créatures. Et il dit, et l'amour du messager, hein, elle suit l'amour de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire l'amour d'Allah. Il dit, et l'amour d'Allah qui est correct, qui est valide, qui est bonne, elle implique le suivi, hein, et l'accord de ce que Allah aime, et de détester ce que Allah déteste. Hein? Donc ça veut dire que si tu aimes Allah, hein, et que ton amour pour Allah est correct, et que tu aimes le messager, eh bien ça implique que tu vas aimer ce que Allah aime et détester ce que Allah déteste, comme on l'a déjà dit. Et ici il cite le verset 24 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, dit, si vos parents, vos enfants, vos frères, vos épouses, hein, vos époux, vos épouses, vos tribus, hein, vos familles, vos biens que vous avez gagnés, vos commerces dont vous craignez, hein, la faillite ou la perte. Vos demeures que vous agréez sont plus aimées pour vous que Allah et son messager, et que la lutte dans son sentier, hein, le djihad dans son sentier. Alors attendez, hein, attendez jusqu'à ce que Allah fasse venir son commandement. Donc ça, c'est une menace, hein, pour ceux-là. Il dit ensuite le verset 31 dans Surat Al-Imran, ce qui signifie « Dis, ô Muhammad, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, et Allah vous aimera, et il vous pardonnera vos péchés. Hein? » Et il dit que Al-Hassan al-Basri, il a dit que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont dit « Ô messager d'Allah, nous aimons notre Seigneur d'un amour très fort. » Alors Allah a voulu, hein, établir un signe, hein, ou quelque chose pour déterminer cet amour-là. Alors il a fait descendre ce verset pour établir la preuve pour ceux qui prétendent aimer Allah, en voulant dire vous aimez Allah, vous dites que vous aimez Allah, alors on va voir on va vous donner un test. Hein. Celui qui aime Allah, qu'il suive le messager. C'est ça que ça veut dire. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Donc tous ces gens de bid'a aujourd'hui qui fêtent le Maulid, hein, qui est en contradiction avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a jamais été ordonné par le messager sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a jamais été mis en pratique par les sahaba, ni les tabi'in, ni les tabi'in, ni les imams des madahib, ni les imams qui ont ramassé les sunan, hein, Al-Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah, hein, tous ces grands imams, aucun d'entre eux n'a jamais célébré cette bid'a. Alors, hein, comment vous dites, vous aimez le messager et vous faites des chansons dans vos mosquées, hein, ou dans vos lieux de culte, soufis, hein, vous vous réunissez pour chanter, faire des mada'ih, hein, des qasa'id, hein, dans lesquels vous parfois même vous exagérez même dans la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en le décrivant comme s'il était une divinité presque, hein. Donc ça c'est grave, c'est du shirk qu'ils font, hein, souvent, et donc c'est pour ça que c'est dangereux. Et donc ils chantent ya habibi ya rasulallah, hein, ils chantent comme ça. Je me rappelle, hein, au début, quand je venais juste de me convertir, et j'étais avec un frère, une fois j'étais parti à Toronto, et j'étais avec un frère. Et ce frère-là, je ne le connaissais pas bien, je venais juste de le rencontrer. Et il m'a dit, oui, il y a une activité quelque part, on va juste aller passer faire un tour là-bas. Alors, j'ai dit, d'accord, je suis parti avec lui. Arrivé là-bas, on s'assoit. Puis, c'était des gens dans une salle, tout le monde était assis. Puis, il y a des différents prêcheurs qui parlaient. Puis, il y a un homme qui était assis là, dans la salle, parmi les gens qui écoutaient. À chaque 5 minutes, il se levait, commençait à chanter. « Ya Habib, salamu alayka » comme ça, pendant... Il faisait ça comme à chaque 5 minutes. Il se levait et commençait à crier comme ça, à chanter. J'ai dit, subhanallah, qu'est-ce qu'il fait lui, hein? Mais ces gens-là, ils pensent que ça, c'est la façon comment tu vas montrer ton amour pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Alors je me suis dit, mais c'est ça, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils pensent? Que c'est comme ça qu'on montre son amour. Alors qu'au contraire, la façon que tu montres ton amour au messager, hein, pour le messager plutôt, c'est de suivre son exemple, suivre sa sunna, de s'abstenir de faire des bid'ah et des innovations. Hein. Les sahaba, ils passaient pas leur jour et leur nuit en train de chanter. Hein. Ils étaient avec le messager d'Allah. Et quand ils étaient sur le terrain de bataille avec les mushrikin, et qu'une flèche était lancée dans la direction du messager d'Allah, ils se mettaient devant la flèche pour empêcher que cette flèche la touche au messager d'Allah. Ça, c'est de l'amour. Mais celui qui est là en train de jouer son tambour, puis chanter jour et nuit, en train de danser dans la mosquée, il dit, Hein? Ya Habibi, Ya Habibi. Ça, c'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est au contraire. Ça, c'est la preuve même que tu n'as pas d'amour pour le messager d'Allah. Même si tu penses que c'est là. En fait, c'est le shaitan qui a trompé ces gens-là à pour leur faire croire qu'ils sont en train d'exprimer de l'amour ou de montrer qu'ils aiment le messager d'Allah. Mais la vérité, ils aiment leur passion plus que le messager d'Allah. Parce que s'ils aimaient vraiment le messager d'Allah, ils se seraient abstenus de contredire son commandement. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans de nombreux hadiths, hein, « Wa inna sharra al-umur muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'a, wa kulla bid'atin dalala, wa kulla dalalatin finnar. » La pire des choses, c'est les choses innovées dans la religion. Et toute chose innovée est une toute invention dans la religion est une innovation. Et toute innovation est dans le feu de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. » Celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, ce sera rejeté. Comment toi tu t'entêtes à faire quelque chose qui va être rejeté? Ça sert à quoi? Si tu sais que ça va être rejeté, pourquoi tu le fais? Hein? Subhanallah. Donc c'est pour ça les gens, ils n'utilisent pas leur tête. Ils utilisent leur passion. Ils utilisent leurs sensations, leurs sentiments. Et la religion des soufis, hein, et des gens de bid'a, elle est basée sur ça. Les émotions et les sentiments. La même chose pour les chrétiens. Leur religion s'est basée sur... Tous les gens que tu vois que leur religion est basée sur le fait de chanter et danser, ça veut dire qu'ils n'utilisent pas leur raison, ils n'utilisent pas la connaissance, ils se basent sur les émotions et sur les émotions et les sentiments et la passion. Une fois, j'ai discuté avec des chrétiens, je leur expliquais que Jésus c'est un serviteur, un prophète, un messager, que c'était pas Dieu, que c'est pas Allah, que c'est pas le Fils d'Allah, qu'il n'y a pas de Trinité. Et je leur donnais les arguments et les preuves logiques et claires de la révélation pour leur montrer ça. Quand ils ne savaient plus quoi répondre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils commençaient à tourner en rond, à chanter fort pour dire « Ah non, je ne veux pas me laisser influencer, non, je prouve ma foi en chantant. » Ajib, depuis quand les chansons c'est devenu une preuve de la foi? Hein? Donc tout ça, c'est des exemples, Yanni. Le vrai amour du messager, c'est de suivre son exemple. Et il dit ensuite, le cheikh, il dit « وَفِي الصَّحِحَيْنِ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ » Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Il y a trois choses que celui qui les possède en lui-même, il va goûter à la douceur de la foi. La première, c'est que Allah et son messager sont plus aimés de lui que tout le reste. » Il dit, et la deuxième, c'est qu'il aime une personne, il ne l'aime que pour Allah. Et la troisième, c'est qu'il déteste, il détesterait retourner à la mécréance de la même manière qu'il détesterait se faire jeter dans le feu. Hein? Donc, il préfère se faire jeter dans le feu que de retourner à la mécréance. Hein? En voulant dire, il préfère se faire tuer que de redevenir mécréant. Celui qui a ça, il goûte à la douceur de la foi s'il a ces trois caractéristiques là. Et il dit ensuite, donc celui qui aime Allah et qui aime son messager d'un amour sincère dans son cœur, eh bien il dit cela va le pousser à aimer dans son cœur ce que Allah et son messager aiment, et ça va le pousser à détester dans son cœur ce que Allah et son messager détestent, et à être satisfait de ce que Allah et son messager sont satisfaits, et à être en colère de ce qui met en colère Allah et son messager, et à faire avec son corps ce qui est impliqué par cet amour et par cette haine. Parce que les actions du corps, c'est une chose, et si ces actions-là sont en contradiction avec ce qui est dans la prétention, si quelqu'un dit j'aime Allah et son messager, je déteste ce que Allah et son messager détestent, et j'aime ce que Allah et son messager aiment, puis après avec son corps il fait le contraire de ça, s'il fait certaines des choses que Allah déteste ainsi que son messager, ou qu'il déleste certaines des choses que Allah et son messager détestent, hein, alors que ces choses-là sont obligatoires et qu'il a la capacité de les faire, il dit ça, c'est la preuve qu'il y a une déficience et qu'il y a une faiblesse dans cet amour obligatoire. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire? C'est que tu dois te repentir. Et tu dois donc revenir à Allah pour compléter ton amour obligatoire envers Allah et son messager. Et il continue, l'imam Ibn Rajab, et il dit, et Abu Ya'qub, al-Nahrajuri, il dit, toute personne qui prétend aimer Allah, Azza wa Jal, et qu'il n'a pas été en accord avec son commandement, alors sa prétention est fausse. Et toute personne qui aime et qui ne craint pas Allah, c'est une personne qui prétend aimer Allah, mais qui fait ce qui n'a pas peur d'Allah. Ainsi, il dit j'aime Allah, mais il n'a pas peur d'Allah. Alors, il est trompé. Hein? Il est trompé par le shaitan. Et il dit que Yahya ibn Mu'adh a dit, il n'est pas sincère. Celui qui prétend aimer Allah, Azza wa Jal, et qui n'a pas respecté ses limites, hein, et ses règles et ses interdictions. Il dit donc, tous les péchés, ils découlent et ils naissent uniquement du fait de donner précédence à la passion de l'âme sur l'amour d'Allah et de son messager. Donc si quelqu'un fait un péché, en d'autres mots, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a donné précédence à ses désirs et à sa passion, et il a mis ses désirs et sa passion au-dessus de son amour pour Allah et son messager. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les mushrikins dans le Coran comme étant des gens qui suivent leur passion dans plusieurs endroits dans le Coran. Et il mentionne comme exemple le verset 50 dans Surat Al-Qasas, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et s'ils ne te répondent pas, sache qu'ils ne font que suivre leur passion. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans guidance venant d'Allah. » Donc franchement, mes frères, ce sujet aujourd'hui, il est extrêmement important, extrêmement bénéfique. Et je sais qu'on a dépassé le temps, mais je veux finir cette citation de l'imam Ibn Rajab. Il ne reste pas beaucoup. Donc je vais finir ça, puis après on va s'arrêter pour aujourd'hui, Inch'Allah. Donc c'est ça. Donc il dit ensuite le cheikh l'imam Ibn Rajab dans cette citation, il dit wa kadhalika al-bid'a innama tansha'u min taqdim al-hawa 'ala ash-shara wa li hadha yusamma ahluha ahl al-ahwa wa kadhalika al-ma'asi innama taqa'u من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. Il dit « وَلِهَذَا كَانَ مِنْ عَلَامَاتِ وُجُوبِ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ الْمَرْءِ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَيَحْرُمُ مُوَالَاتُ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَمَنْ يَكْرَهُهُ اللَّهُ عُمُومًا وَقَدْ سَبَقَ ذَلِكَ فِي مَوْضِعٍ آخَرٍ وَبِهَذَا يَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب فيجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه رضا الله ورسوله على هوى النفوس ومراداتها كلها. وقرر هذا الأمر عن تحقيق معلم الولاء والبراء الشيخ العلامة سليمان بن سحمان في رسالته. Donc on a terminé cette citation ici. Donc c'est ça. Donc là j'ai terminé de lire la citation de l'imam Ibn Rajab. Donc on va terminer cette traduction, on va traduire ce passage là puis après on va s'arrêter inchallah. Donc ici le cheikh il dit de même que les bid'ah elles viennent uniquement du fait de donner précédence à la passion sur la révélation. Et c'est pour ça qu'on appelle les gens de la bid'a, on les appelle les gens de la passion. Ahlul ahwa. Les péchés, la même chose. Hein? Ils viennent uniquement du fait de donner précédence à notre passion sur l'amour d'Allah et l'amour de son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Et sur l'amour de ceux qu'il aime. Hein? Il dit la même chose aussi par rapport à l'amour des personnes. Hein? Il dit c'est obligatoire pour nous que notre amour des personnes suive ce qui a été amené par le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est obligatoire pour le croyant d'aimer, hein, Allah et d'aimer ceux que Allah aime. Parmi les anges, parmi les messagers, parmi les prophètes, parmi les véridiques, parmi les témoins, parmi les gens de la piété et les pieux, de façon générale. Hein? Ça c'est important. Et ça c'est cet amour pour Allah ou en Allah, elle est au-delà de toutes les règles, de toutes les frontières, de tous les attachements nationalistes. Hein? Au-dessus de tout ça. C'est-à-dire que si tu es musulman d'un pays, supposons que tu es un musulman dans un pays quelconque, eh bien, tu vas aimer tous les musulmans de tous les pays que tu connais, même s'ils ne sont pas la même nationalité que toi. Tu les aimes en Allah parce que ce sont tes frères. Et tous ceux qui sont du même pays que toi, mais qui ne sont pas musulmans, tu ne vas pas les aimer, hein, par rapport à la religion, parce que ces gens-là, ils n'ont pas la même foi que toi. Ça, c'est l'amour pour Allah et le fait de détester pour Allah aussi. Ça, c'est un des fondements de l'islam et c'est la base de la croyance en l'islam. Et c'est ça qui est expliqué dans de nombreux versets dans le Coran. Hein? Même tes propres parents et ta propre famille, s'ils sont ennemis d'Allah et de son messager, tu ne dois pas les aimer. Hein? Même si tu as cet amour naturel pour eux, parce que ça, c'est un amour naturel, instinctif que Allah a mis en chaque être humain, sauf que quand il est question de religion, tu les aimes pas, parce que ces gens-là opposent ce qui est révélé par Allah et ils s'opposent à la vérité et au tawhid. Hein? Donc tu les détestes religieusement. Hein? Donc ça c'est un point très très important à comprendre, al-wala wal-bara. Et c'est ça que beaucoup de gens, ils essaient de combattre actuellement. Cette croyance en al-wala wal-bara, parce que eux ils ont l'idée que non, il faut aimer tout le monde, alors que même les koufars qui disent ça, qui disent par exemple il faut aimer tout le monde, même eux ils aiment pas tout le monde. Alors pourquoi eux ils ont le droit de détester selon leur passion, mais nous on n'a pas le droit de détester selon notre révélation? Ça fait pas de sens, hein? Et eux leur amour est injustifié parce qu'il est en accord avec leur passion. Et leur haine est injustifiée parce qu'il est en accord avec leur passion. Alors que le croyant, il n'a pas le droit d'aimer ou de détester selon sa passion. Il aime et il déteste selon ce que Allah lui a ordonné. Et ici, le cheikh, il explique que parmi les signes, par exemple, il dit c'est pour ça que parmi les signes de la douceur de la foi, il y a le fait que quelqu'un aime une personne et qu'il ne l'aime que pour Allah seulement. C'est-à-dire, il ne l'aime que parce que cette personne, elle s'attache à la religion d'Allah et elle est croyante. Il l'aime pour Allah, pour cette raison-là seulement et pour rien d'autre. Pas pour un intérêt matériel, pas pour un bien dans la dunya, pas parce qu'il y a quelque chose d'autre qui attache cette personne-là, qui l'attache à cette personne. Hein? Non, juste pour Allah. Il est même pas du même pays. Il est même pas de la même origine. Il est même pas de la même couleur. Même pas de la même ethnie. Mais il l'aime uniquement pour Allah. Parce que c'est un croyant. Parce qu'il est, hein, il est pieux et ainsi de suite. Ça, c'est un signe de la douceur de la foi. Il dit, et il est interdit de prendre pour allié et d'aimer les ennemis d'Allah, celui que Allah déteste de façon générale. Et on a déjà expliqué cela dans d'autres endroits. Et il dit, et c'est ainsi que lorsque quelqu'un a respecté cela et appliqué ce principe de Al-Wala wal-Bara, eh bien, ça veut dire qu'il a fait en sorte que sa religion tout entière soit pour Allah seul. Et il cite ensuite le hadith qui dit « Celui qui a aimé pour Allah, qui a détesté pour Allah, qui a donné pour Allah et qui a retenu pour Allah, alors il a complété la foi. » Il a complété la foi. Et il dit donc « celui dont l'amour et la haine, le don ou l'abstinence, hein, ou le fait de ne pas donner, c'est basé sur la passion de son âme, alors lui, il a une défaillance, une faiblesse dans sa foi obligatoire. Donc c'est obligatoire pour lui de se repentir de ça. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils aiment pour eux-mêmes, pour leur hawa et leur passion, et ils détestent selon leur désir et leur passion. Hein? Comme par exemple, on regarde par exemple les gens dans la dunya, les koufars par exemple, quand ils aiment des gens ou comment ils détestent des gens. Des fois, c'est purement pour intérêt. Ils aiment quelqu'un juste pour des intérêts. Hein? Ils aiment une femme parce qu'elle est belle. Ils retirent de cette femme du plaisir. Donc, ils sont contents de cette femme. La femme, elle aime cet homme parce qu'il est beau. Il a une belle apparence et ainsi de suite physiquement. Donc, il aime la personne. Il l'aime parce qu'il a un bon travail, il a beaucoup d'argent et ainsi de suite. Il l'aime parce qu'il a un lien de parenté avec. Hein? Hier, j'entendais un gars qui parlait, Yanni. Il disait, quand j'étais petit, j'ai demandé à ma mère, si j'étais né dans une autre famille, est-ce que tu m'aurais aimé de la même façon? Il dit, ma mère s'est mise à pleurer quand je lui ai posé cette question-là. Yanni, ça, en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, au jour de la résurrection, il n'y aura plus de lien de parenté entre eux. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés sur terre avec des liens de parenté. Mais dans l'au-delà, il n'y aura plus de lien de parenté au jour de la résurrection. C'est chacun pour soi. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les liens de parenté dans cette dunya, hein, parce que ça fait partie des causes par lesquelles on rentre dans ce monde. Et les liens qu'on a entre nous, il faut les respecter. Il a même déclaré que ces liens de parenté-là sont sacrés. D'accord? Mais en réalité, tout ça, c'est Allah qui l'a prédestiné. C'est-à-dire qu'on n'a même pas choisi. Et même nos parents n'ont pas choisi que ça allait être nous, leurs enfants. Et nous, on n'a même pas choisi que nous, on allait être leurs enfants ou que ça allait être nos parents. On ne les a pas choisis, nos parents. Et eux, ils ne nous ont pas choisis non plus. Hein? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé que nous, on est avec ces parents-là, et ces parents-là, ils ont ces enfants-là, hein? Et pas d'autres. Hein? Tout ça pour dire, on aime nos enfants instinctivement, et nos parents, on les aime instinctivement, parce que c'est comme ça que Allah nous a créés. Hein? Al-hubb al-tabi'i. Mais, quand nos parents sont, par exemple, ton père, c'est Al Capone, ou bien Hitler, ou bien un tueur en série, ou bien un drogué, ou bien un meurtrier, ou bien un criminel. Hein? Tu l'aimes parce que c'est ton père, mais tu le détestes en même temps parce qu'il fait des crimes, c'est un criminel. Mais si ton père, c'est un homme pieux, un savant, un homme bon, qui fait beaucoup de bien, hein, qui enseigne aux gens, qui fait du bien, qui aide dans les choses bénéfiques pour l'humanité, tu vas l'aimer encore plus parce que tu l'aimes pour Allah. Hein? Donc il y a des gens, parmi les koufars, ils aiment que pour les intérêts. Hein? Et les relations familiales, ça ne veut plus rien dire maintenant. C'est que pour des intérêts. Et la même chose aussi, ils détestent des gens pour rien. Ils ne savent même pas pourquoi. Parce qu'ils ne sont pas la même couleur que eux, ils les détestent. Parce qu'ils sont d'une autre origine que eux, ils les détestent. Et ils disent, les immigrants, quand ils viennent, par exemple, ils font des meurtres, ils tuent, ils volent, ils font ci, ils font ça. Mais quoi? Ça veut dire les gens là, de ce pays-là d'origine, c'est-à-dire les habitants de souche de ce pays, eux, ils font pas de vol, ils font pas de crime, ils tuent personne. Hein? Ils sont 100% pieux, honnêtes, justes. Ils respectent toutes les lois. Ils brûlent même pas un feu rouge. Ils vont même pas brûler un stop. Hein? Ils respectent chaque petite loi dans les plus petits détails parce que c'est... Hein? Non, tout le monde fait des péchés. Tout le monde a des défauts. Tout le monde fait des choses incorrectes. Mais la différence entre les croyants et les non-croyants, c'est que les croyants, ils se repentent. Et ils reconnaissent quand ils font du tort, quand ils font des péchés, ils reconnaissent qu'ils font un péché. Tandis que les non-croyants, eux, non. Hein? Ils font du mal, puis ils se justifient par la suite. Et puis ils persistent avec orgueil et arrogance dans le mal. Et ils détestent une personne pour quelque chose qu'ils n'ont même pas choisi. Hein? Et ils aiment quelqu'un pour quelque chose qu'ils n'ont pas choisi. Un qui va dire, « Ah, vous n'êtes pas de notre pays, on ne vous aime pas. » Est-ce que c'est toi qui as choisi d'être né dans tel ou tel pays? Est-ce que c'est toi qui as choisi tes parents? C'est toi qui as choisi ton origine? Celui qui détermine ou qui veut dire parce que moi je suis de cette origine-là, je suis meilleur que les autres. Et parce que les autres ne sont pas de cette origine ou de ce pays-là, sont moins bons que moi. Et parce que nous, on est de tel endroit, ça veut dire qu'on ne peut pas changer, on est parfait déjà. On a atteint la perfection. Personne ne peut venir nous montrer quelque chose pour nous aider à devenir meilleurs. Non, ce n'est pas possible. Parce que nous, on est meilleur que tout le monde. On n'a rien à apprendre de personne d'autre. Comme le cheikh, il explique, et on va terminer avec ça. Il dit, si quelqu'un, il constate en lui-même qu'il aime, hein, ou il donne, ou il déteste, pour lui-même, au lieu d'aimer et de détester ou de donner pour Allah, de retenir pour Allah, ça veut dire que dans sa foi, il y a une faiblesse. Dans sa foi obligatoire, il y a une faiblesse. Il doit se repentir de ça et revenir au suivi du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et donner encore une fois précédence à l'amour d'Allah et de son messager, dans ce qui amène l'agrément d'Allah et de son messager, et de placer ça au-dessus des passions de son âme et des désirs de son âme, hein, dans tout ce qu'il fait. Ça, c'est la fin de la parole de l'imam Ibn Rajab. Maintenant, on est réellement arrivé à la fin. Je m'excuse si j'ai prolongé un peu, mais le cours d'aujourd'hui était vraiment très, très, très important, très bénéfique. Et c'est moi le premier qui en a profité, c'est moi, parce que c'est moi qui donne le cours. Et puis en premier, moi ces cours-là, hein, je vais dire franchement, je vous dis franchement, tous ceux qui écoutent maintenant, tous les cours que j'ai donnés depuis le début que j'ai commencé à donner des cours, je les donne avant tout, j'essaie de me les donner à moi-même. Hein? Et c'est pour moi que je fais ça en premier, parce que c'est pour justement que je puisse comprendre encore mieux ma religion. Et j'ai jamais commencé à mieux comprendre ma religion que lorsque j'ai commencé à l'enseigner. Hein? Donc, alhamdoulilah, rabbil alamin, on dit comme Allah il dit dans le Coran, wa qul rabbi zidni ilma, oh Allah, augmente-moi en connaissance. Et alhamdoulilah, que Allah nous donne le tawfiq de mettre en pratique tout ce qu'on apprend.